La chèvre coûte là où ils sont tachés d'abuser. pyro naïve ou roman, non plus so. La pyro naïve ou roman, non plus so. Y'a un boussiki n'a pas d'un people, non plus so. On dos bon si bougou, j'ai sinon, non plus so. Jingama, we gay, jombe, non plus so.